Iron Monster. Yann Slow BT, tu nous avais négligé, hein. Ce n'est que le début. Tout de suite je vois les choses. Dans le ciel je les vis. Se méprend pour son sauce. Pourtant rien que je les vis. Dégage. Devant nous tu t'effaces. On va tout à poil décale. On t'a pris tout tes vannes. Whisky. J'ai beau être en le flow et carré, voici le triangle de Bermude. J'vais tous vous faire disparaître pour X raison, là ça devient rude. J'te vois et c'est pas idem normal, j'suis camouflé dans la brume. Bang, bang. T'as l'habitude de te faire lécher, tu roules, tu boules la fin qu'on fume. Tous ces pains autour de moi sont certifiés par Paul. La chance tu la vois pas venir, même en ayant une coupe au bol. Se faire niquer par une chatte, ça fait un mal de chien. Quand t'es seul, rien que tu aboies, mais bizarrement là j'vois que tu miaules, hein. Se prendre en photo, montrer son boule, est-ce vraiment l'objectif? Des 10 pics à 14 ans à poil, réunion collectif. Moi, ce que j'pense de toi, j'devrais le censurer. Même bloqué de l'ascenseur, je ferai pas la censure. Bah ouais. Sincèrement, je te le dis, même sans sucer, j'ai de la fierté, oui, j'en suis sûr, je t'aurais pas lâché en plein succès. Merde, l'heure est grave, fiston. Pour prix au premier rang, à la mousse qui en y accède pour piston. Tout de suite, je vois les choses, dans le ciel, je les vis. Se méprend pour son sauce, pourtant rien que je les vis. Bouaéa, dégage. Devant nous, tu t'effaces. On va tout trapper le décal. Après tout tes vannes, whisky. Yann slow. Aaron Monster. Bonsoir, dehors. J'arrive dans le game, j'ai déjà fait deux morts. Équipe Delbord, swaggy, non. Texvore, pas besoin de texte gore, par ma voix je t'exhorte. Pas longtemps qu'on est dans le game, pourtant rien qu'on met des scores. Double MC rime avec un port export. C'est pas les fonds de vos caisses, mais les fonds marins, nous qu'on exporte. Ça jacque trop dans mon Davo, autant que 600 poules. Normal, on devient gênant comme d'avoir un kiss dans le boule. Depuis X temps, maintient la distance, sans résistance. Authentique et chabot comme l'été d'Istanbul. Bejik, Yann Slow, aka Marin Monster. Quand on kick, il faut se taire, on vient d'un milieu austère. On vient tout rafler un peu comme l'a fait Jodie Foster. Fais pas le fou, c'est que chez Watt, t'as la tête de mes graves. En poster. D'où je suis, je vois les choses. Dans le ciel, je les vis. Se méprend pour son sauce. Pourtant rien que je les vis. Bouaéa, dégage. Devant nous, tu t'effaces. On va te foutre à poil décal. On t'a pris tout tes vannes. Whisky. Ha! 9ème zone dans le Nord. Tu reconnais, hein? Bré! Yann Slow, Big King, aka Marin Monster, Ferris, Deserti, JDM, Jabba Kram, Yalatif Beat, Price M. Ah! J'arrive des silos, j'arrive des silos. Sorry, this is wrong.